roi nous camper pour nous célébrer. Tout le monde à l'unisson, happy birthday to you. Yon anniversaire pour ça, nous pas qu'à quitter le passé. Happy birthday to you, roulez, roulez, roulez, roulez. Happy birthday, Fanfan. Happy birthday, Gabi. Happy birthday, Jean-Claude. Happy birthday, Choubou. Happy birthday, Tidoff. Happy birthday, Herman. Albert Atisago, avec yon nous t'es commencé. Jodi a c'est fête, là, pour nous camper avec fierté. Le monde entier chante Happy birthday to you. Yon anniversaire qu'on ça nous pas qu'à quitter le passé. Devant ta boule, rouler, rouler, rouler, rouler. Ta mouvant cap soufflé, qui cap rôté n'allé. Nous pas réalisé que 40 ans passé. Nous passé mauvais temps, à camper le bon moment. Dans la fraternité, nous pas jamais découragé. T'aime chanter pour vous. Happy birthday to you. Qui t'aime souhaiter une bonne fête. Happy birthday to you. Laissez-moi chanter pour vous. Happy birthday to tout you. Tout le monde souhaitez ta bonne fête. C'est pas souffrir, nous pas souffrir, pour nous qu'aimer ta boue en vie. Pas songer, le défait commencé. Nous pas t'aiguer espoir, mais nous t'aiguer la foi. Pas songer, le défait commencé. Nous pas t'aiguer espoir, mais nous t'aiguer la foi. La foi c'est lui qui dirigeait, la foi c'est lui qui commandait. Avec la foi n'a pas marché. Sans la foi nous pas arriver. Qui en pile nous qui allait. Le songe s'est tombé crié. Où de la langue n'a pas continué. Moi à nous foi n'a pas avancé. Songez, songez, songez. Songez, songez, songez. Qui vont ciné songer. Doudou bien sous songer. Songez, Albert, songez. Songez, songez, songez. Si la bataille est finie, c'est phénomène d'amour.